de vie et de romancière. C'est belge. Voilà. Merci une nouvelle fois de nous voir. Merci à vous. Tenter. On va maintenant retrouver Julien Courbet. Bonjour Julien. Bah, vous auriez pu dire un autre grand auteur. Je l'aurais pris aussi, oui. J'écris également. Qu'est-ce que vous écrivez? Non, je ne publie pas, moi. Je ne dis pas ce que j'écris. Monsieur Calvi, je ne préfère pas. Ah bah si, moi, je suis sûr que ça m'intéresserait. Mais je vous ferai une petite lecture en privé. Bah non, les pensées de Julien Courbet aux éditions de l'Iconoclaste, c'est pas mal, non? C'est plutôt Cono que Classe, moi, malheureusement. Bon. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne émission. Au revoir. Bah, les éditions du Cono, vous ne connaissez pas? Non. Il médite chaque année. Il est 9h30, vous êtes sur RTL, nous sommes en direct et nous allons régler vos missions. Il y aura celle de Patrice. Je vous appelle du Maine-et-Loire. En septembre 2017, je verse 5000 euros à un professionnel. Depuis tout ce temps, il n'a évidemment rien fait et c'est le roi du mensonge en tout genre. Je veux qu'il me rembourse comme il s'y était engagé. Ouais. Vous allez voir que cette histoire de panneaux photovoltaïques, elle est pas mal du tout. Comme celle de Christine d'ailleurs qui se retrouve, écoutez bien, sans papier. Je vous appelle de l'Essonne car je me retrouve sans papier à cause d'une histoire d'accent sur mon nom de jeune fille. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de problème pour le renouvellement de ma carte d'identité. Là, je me heurte à un mur administratif et comme je n'ai pas de passeport, j'ai même loupé un voyage à cause de cela. Elle n'a plus de papier, elle n'a plus de passeport à cause d'un accent qui pose problème. Vous rendez compte un peu? Nous allons régler ces problèmes avec l'esprit de Noël qui est là. Et la plus belle des mères Noël, Maître Fellonneau, est avec nous. Bonjour à tous. Il y a les deux lutins, il y a Hervé et Bernard pour négocier. Bonjour. Toutes les équipes d'Alain Hazard sont là, réalisation de Xavier Kassovitch. Happy holidays. Négocier, garder le sourire, positiver, mais trouver des solutions, c'est ce que nous allons faire ce matin une nouvelle fois. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment sur l'antenne en direct pour nous aider à avancer dans un dossier. Ça s'est produit hier, par exemple, c'est super, un auditeur appelle, voilà, vous avez tel problème, j'ai peut-être votre solution, ou pour tout simplement nous donner un témoignage. C'est les 32-10, 50 centimes d'euros la minute. Oh bien. Facebook, la page, ça peut vous arriver, ou encore RTL.fr. J'accueille donc maintenant Patrice sur l'antenne d'RTL. Bonjour Patrice. Bonjour Julien. Patrice, vous nous appelez d'où? Moi, je vous appelle dans le Maine-et-Loire, à côté de Saumur. Alors, Patrice a décidé de se lancer. C'était un cadeau de la Saint-Valentin. Il offrait à sa femme des panneaux photovoltaïques, car il l'aime. Et il a voulu lui dire, chérie, vous êtes mariée depuis combien de temps, Patrice? Depuis 2015. Voilà, 2015, oui, ça fait quoi? Un petit 4 ans bientôt. C'est les noces de panneaux voltaïques. Donc, vous avez voulu en acheter. Expliquez-nous ce qui s'est passé après. Eh bien, donc j'ai reçu plusieurs poseurs et donc j'ai fait un choix sur une société. Et donc le 9 septembre 2017, nous avons signé un devis et versé un acompte de 5000 euros. Donc à la fois pour la pose de panneaux photovoltaïques et pour la pose d'une climatisation pour l'étage, afin que les enfants puissent être un peu mieux l'été. Nous avons attendu 9-10 mois. Il n'y a toujours jamais eu de pause pendant cette période. Et puis, au bout de 10 mois, on a décidé de dénoncer le contrat. Et nous lui avons demandé de rembourser l'acompte. Donc ça, c'était à partir du 6 juin 2018. Patrice, je me permets de vous interrompre. Oui. Il ne vient pas donc au bout de 10 mois, mais est-ce qu'il vous donne une raison pour cela? Bien, au début, il avait des problèmes familiaux avec son épouse. Ensuite, c'était la météo qui n'était pas bonne pour monter sur les toits. Il y avait trop de pluie. Tout le printemps, il y avait trop de pluie. Au mois de mai, pour moi, il y a eu des super périodes de beau temps. Je pensais qu'il allait venir, il est toujours pas venu. Et puis, à chaque fois que je le contacte, c'est soit des petites réponses de SMS ou je te rappelle plus tard. Bon, donc il ne vient plus, il a pris les 5000 euros d'acompte, vous lui confirmez dans un courrier recommandé que vous voulez le remboursement, la lettre vous revient, vous passez la main à un huissier, sachant que, juste une petite parenthèse, parce que quand j'ai lu le dossier de Patrice, puisque je prépare vraiment les dossiers, c'était quoi, il y a 20 secondes quand j'étais aux toilettes, et j'ai bien vu que l'officier, il a été voir un huissier, mais l'huissier ne peut rien faire puisqu'il n'y avait pas de jugement. Bah, il peut toujours faire un commandement payé, il peut toujours faire une sommation d'eux, on n'a pas forcément besoin d'un huissier avec un muni d'un jugement pour réclamer quoi que ce soit. Sauf que là, ce n'est qu'une réclamation, mais c'est un côté un peu plus officiel. Donc aujourd'hui, il ne vient pas. Ça fait donc maintenant, si on considère que nous sommes le jeudi 20 décembre, ça a démarré en septembre 2017, cette histoire, donc ça fait plus d'un an. Il a pris 5000 euros et il n'a rien fait, on est d'accord, il n'a même pas posé une échelle, rien. Ah, rien, moi j'ai préparé le terrain parce que j'avais des travaux à faire, donc j'ai cassé une dalle qui allait jusqu'au garage pour permettre de mettre une gaine. Bien sûr. J'ai fait des ouvertures dans le plafond à l'étage pour installer un passage pour les ouvrir. Enfin, moi j'ai tout préparé, donc on a fait pas mal de travaux, donc on est toujours dans le bazar parce que... Non mais Patrice, on va avancer là parce qu'il faut l'appeler. Allez-y. Ce que vous voulez, c'est vos 5000 euros maintenant. Complètement. Voilà, je ne voulais plus qu'il vienne. De toute façon, au bout d'un an, je ne vois pas pourquoi il déciderait tout d'un coup de venir la deuxième année, alors qu'il vous a fait attendre un an. Nous allons l'appeler dans quelques instants et il fait ça, il a choisi RTL, Patrice, parce qu'il dit, je voudrais éviter d'aller en justice, et il a bien raison, parce que vous le savez, il y a énormément de retard aujourd'hui, parce que les juges ne sont pas assez nombreux. On a vu l'autre jour, vous nous en avez parlé, Céline, par exemple, que pour cet effondrement qu'il y a eu à Roissy, combien de temps après ? 14 ans. 14 ans après le jugement démarre. Vous imaginez un peu le retard. Alors, si on commence à l'embêter la justice pour des histoires comme ça. Donc nous, on essaie de dialoguer sur RTL et de trouver une solution et on y arrive. Donc dans une seconde, nous appelons et nous allons lancer le cas numéro 2 en parallèle. C'est Christine, elle est sans papier. L'administration bloque à cause d'un problème d'accent sur son nom de jeune fille. C'est juste incroyable, mais c'est comme ça. La bêtise administrative sera l'honneur dans quelques instants. Ça me permet de vous souhaiter à tous un très joyeux Noël. Nous sommes là pour vous aider. Ça sera votre cadeau si nous arrivons à régler votre problème. Merci d'avoir choisi le 9h30, 11h. Plus que 5 jours avant Noël. Aujourd'hui, le calendrier de l'Avent Grand Frais vous réserve une grosse surprise. Un animateur RTL vous attend avant midi dans un magasin Grand Frais situé à Vieil-Évreux. Pour tenter de gagner votre panier de fête d'une valeur de 200 euros, trouvez le mot de passe et soyez le premier à lui donner votre réponse. Bonne chance. Avec Grand Frais, c'est tous les jours Noël. Grand Frais, le meilleur marché. Règlement en magasin et sur grandfrais.com. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne matinée sur RTL. Le 25 décembre, le grand loto de Noël est de retour. Avec son jackpot exceptionnel de 15 millions d'euros minimum à partager au rang 1. Et si personne ne trouve les 6 numéros, le jackpot sera partagé entre tous les gagnants. Voir règlement. FDJ. Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Monoprix. Tu sais que t'es un expert en champagne quand tu sais exactement le nombre de bulles qu'il y a dans une flûte rien qu'en la regardant. Et tu sais que t'es vraiment un expert en champagne quand tu vas chez Monoprix les yeux bandés pour choisir à l'oreille la bouteille qui pétille le plus fort. Noël, c'est parti chez Monoprix. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour l'achat d'une bouteille de champagne Tétinger Prélude Grand Cru acheté, la boîte de caviar Barry Français 20 grammes est offerte jusqu'au 24 décembre seulement. Monoprix. Voir conditions de l'offre en magasin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Père Noël, je voudrais plein de chocolat pour moi, papa, maman et mamie. J'ai rempli ma hotte de coffrets Réhout et chocolat. Et il y en a pour tous les gourmands. Venez en magasin déguster nos chocolats de qualité. Recettes artisanales et coffrets à partir de 8,60€ seulement. Réhout et chocolat, fabricant chocolatier français. Goûtez, vous verrez. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Nous sommes toujours sur le cas en direct de Patrice. 5000 euros d'acompte versés pour une climatisation et des panneaux solaires. Depuis septembre 2017, la pause est toujours reportée. Allez, c'est parti, nous appelons tout de suite pour essayer d'avoir quelqu'un. Alors attendez, Maître Félonneau, je vois que vous voulez dire quelque chose. Mais pour l'instant, c'est en train de sonner. Nous devrions avoir quelqu'un qui va répondre d'une seconde à l'autre, je l'espère en tout cas. Objectif, dira ce monsieur. Allô, bonjour, Jean-Christophe. Bonjour. Bonjour Jean-Christophe, je suis Julien Courbet. C'est la radio RTL, nous sommes en direct, monsieur Viotti. Monsieur, oui, je suis avec Patrice Jaguelin qui voudrait aujourd'hui récupérer les 5000 euros qu'il vous a donné il y a un peu plus d'un an pour les panneaux photovoltaïques. Donc vous donnez mon nom carrément. Je donne bien le mien, je peux donner le vôtre, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à donner votre nom, monsieur, vous n'êtes pas un... Écoutez, pas de souci. Donc bonjour, donc, j'avais bien compris que c'était une connerie, donc il n'y a pas de souci. Donc vous dites à monsieur Jaguelin... Il vous écoute. Le matériel. Alors, bonjour à tous. Bonjour Patrice. J'apprécie que tu me fasses appeler comme ça. Mes parents vont apprécier. Par contre, Patrice, il est là ? Oui, il vous écoute, monsieur. Je suis là. Donc, il a donc entendu que le matériel avait été acheté. Et est-ce qu'il vous a dit quand même qu'il avait refusé l'installation ? Mais oui, monsieur. Excusez-moi, on va reprendre point par point, mais c'est très intéressant. Ben, et merci de nous parler. Je vais rentrer vite, là. J'ai un rendez-vous. Oui, on va faire vite, monsieur Viotti. Écoutez-moi. J'ai compris, monsieur Viotti. Je vais dans votre sens. Je lui ai demandé, est-ce qu'il m'a envoyé un papier comme quoi il a refusé l'installation ? Patrice, est-ce que vous avez refusé l'installation ? Et surtout, à quelle date avez-vous refusé l'installation ? Je rappelle que vous vous êtes engagé en septembre 2017. Donc, monsieur vous a dit d'abord qu'il était malade, je crois, c'est ça, Patrice ? Il avait des problèmes. C'était pas lui qui était malade, il avait perdu son beau-père, sa mère. Bon, ok. Alors, Patrice, est-ce que vous avez à un moment donné refusé le matériel ? C'est n'importe quoi. Il le savait très bien, Patrice. D'accord. Alors, juste, monsieur Viotti, moi, là, ma question, vous ne m'avez pas laissé vous poser une question simple. Monsieur Viotti, comment se fait-il qu'au bout d'un an et trois mois, il n'y ait pas eu les moindres travaux chez lui alors que vous avez touché 5000 euros? C'est tout ce que je vous demande. Donc, alors, je vous explique. On va faire très simple. En effet, donc, j'ai eu des problèmes perso. J'ai eu ensuite des gars qui sont partis avec lesquels je devais travailler, que je n'ai pas travaillé. Et là, je suis désolé, mais le chèque a été envoyé à Patrice, hein. En même temps. Ah, vous lui avez remboursé? Bonjour. Jamais. Mais bien sûr, je vais lui envoyer. Non, il a pas. Mais c'est pas vrai, monsieur. On va lui renvoyer un autre. Il va se dédier du premier. Je vais lui envoyer en recommandé. Voilà. Non. Voilà. Et comme ça va être beaucoup plus. Pourquoi vous dites non, Patrice? Si. Non, mais je suis d'accord. Mais ce qui est curieux, c'est que je l'ai appelé le 13 novembre. Non, mais Patrice. L'émission, elle va de l'avant. Je reviens pas sur ce qui s'est passé avant. Sinon, vous ne seriez pas sur RTL. Donc aujourd'hui, ce monsieur est de bonne foi. Il vous dit, il me semblait avoir envoyé le chèque, il l'a pas reçu. Il va vous l'envoyer en recommandé. Et la semaine prochaine, on va laisser 7 jours à la poste pour vous envoyer ce recommandé. On rappellera monsieur Viotti. On verra si c'est un homme de parole, sérieux, qui règle les problèmes comme tous ceux que l'on appelle le matin, s'il nous endort, c'est tout. En plus, non, mais moi, je vais vous dire ce que je trouve, c'est que c'est Patrice, c'est très bien, il m'appelle. En plus, je lui ai dit, j'ai tous les textos, j'ai tous les mails, je vois pas pourquoi il vous appelle. Donc moi, déjà, d'une part... Mais tous les mails qui disent quoi, monsieur Viotti? Attendez, monsieur Courbet, attendez, je termine. Monsieur Jaglin m'a demandé de lui faire une installation de panneaux photovoltaïques et m'a demandé de lui faire une installation de pompe à chaleur. J'ai acheté le matériel de pompe à chaleur, il a refusé l'installation... Moi, j'ai encore le matériel de pompe à chaleur. Dis-moi. Je lui ai renvoyé son chèque. Le devis date de quand pour les pompes à chaleur, monsieur Viotti? Je sais pas, je suis dehors. Mais c'est ça qu'il faut vérifier. Au bout d'un moment, monsieur Viotti, ce qu'on essaie de vous expliquer. Non, mais on peut avoir un dialogue, monsieur Viotti, chacun son tour. Okay. Je vais terminer. Allez-y. Il a refusé l'installation. D'accord. J'avais acheté le matériel. J'ai dit OK. Au bout de combien de mois, Patrice? Au bout de 10 mois. Au bout de 10 mois. Non, mais je le dis pour les auditeurs, monsieur. Il a refusé l'installation au bout de 10 mois où vous n'étiez pas venu. Écoutez-moi, je suis pas les professionnels. Je ne dis pas que je ne suis pas. Encore la preuve, voilà. Il a renvoyé son chèque. Voilà. Mais c'est tout. Et la deuxième question que je voulais vous poser, monsieur Viotti, c'est la société qui a vendu les panneaux photovoltaïques. Elle s'appelle comment? Elle a été fermée, la société qui a vendu les panneaux photovoltaïques. Ah. Donc je lui ai envoyé un chèque sur mon compte. J'en ai ouvert une autre parce qu'on. Donc vous comptiez faire l'installation sur la deuxième société, monsieur, alors que vous avez fermé la première. Mais je lui ai fait aucune installation, c'est pour ça que je lui ai renvoyé son chèque. Mais il n'a pas le chèque. Sur mon compte personnel. Mais monsieur, vous n'avez pas vérifié que sur votre compte personnel, il n'y avait pas les 5000 euros qui avaient été débités? Parce que vérifiez, vous verrez que les 5000 euros, ils y sont toujours sur votre compte personnel. Monsieur Courbet, arrêtez de me prendre pour un imbécile tout à l'heure et vous pourrez écouter votre banque. Oui. Je vous ai dit que j'ai reçu le chèque parce que l'adresse n'était pas bonne. Ah, d'accord. Donc quand vous êtes aperçu que l'adresse n'était pas bonne, vous ne lui avez pas donné un petit coup de fil en lui disant « donne-moi ta nouvelle adresse ?» Mais il le sait très bien. Mais de quoi on parle? Il le sait très bien, d'accord. Bon, ben voyez, c'est très clair pour tout le monde. Il le sait très bien puisque je lui ai dit que j'avais reçu le chèque en retour. Ok. Bon, monsieur Viotti, vous lui envoyez un recommandé avec son chèque? On va même aller plus loin. Oui. Un huissier qui m'a appelé. Oui, je sais. Je lui en ai parlé. Il m'a dit OK. Alors de quoi on parle? Eh ben, on parle d'un chèque que vous lui devez depuis un an et demi de 5000 euros. Donc si vous pouvez lui envoyer par recommandé. Depuis un an et demi déjà, monsieur Courbet, parce que quand on fait des installations. Bon, on va enlever 10 mois depuis 6 mois. Allez, ça marche. Vous pouvez lui envoyer par recommandé, monsieur Viotti? Je vais lui envoyer par recommandé. Allez, on se parle la semaine prochaine. Et je vais l'appeler derrière. Je trouve ça. En plus, c'est quelqu'un que j'ai tout le temps au téléphone. Bah oui. C'est un peu bizarre. Oui, ce qui est bizarre surtout, c'est de vendre une prestation sous une société, la fermer, puis essayer de continuer avec une autre société. Maître Fellonneau. Monsieur Courbet, surtout, mais pas du tout. Alors, non, pas du tout. Alors, je vais vous expliquer une chose. Alors, monsieur, j'ai un texto, moi, du mardi 13 novembre 2018. Un texto que vous lui avez envoyé. Jean-Christophe, écoutez-moi, monsieur, c'est un texto que vous lui avez envoyé. 2018. Oui, je veux bien dire. 2018, voilà. D'accord. Donc du 13 novembre, donc ça fait un peu plus d'un mois. Ouais. Jean-Christophe, voici le RIB pour effectuer le virement, enfin c'est lui qui vous l'a envoyé. Oui. Jean-Christophe, vous l'avez reçu, voici le RIB pour effectuer le virement des 5000 euros en espérant que cela se termine bien. Voilà, ça c'était le 13 novembre, monsieur, on est le 20 décembre. Mais je ne l'ai pas fait par RIB, je lui ai dit je le fais par chèque. D'accord. Il le sait très bien, c'est tout. Okay. Allez, on n'en parle plus. On se retrouve début janvier. Patrice, très bien. Oui. On se retrouve début janvier. Si vous voulez lui parler, vous pouvez l'appeler dans quelques instants. On remercie ce monsieur de nous avoir parlé en toute transparence. Donc, monsieur Viotti vient de nous dire qu'il allait lui envoyer un recommandé et tout va se terminer. On reviendra quand même pour tous ceux qui pourraient, comme ça, dans quelques instants, maître Fellonneau, monter des boîtes, les fermer, puis dire je vais faire derrière les travaux. C'est pas tout à fait légal. Hein, non, c'est sûr que c'est pas légal, Julien. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux et on ne peut pas effectivement répondre à un huissier en août. Le chèque est parti et nous sommes donc aujourd'hui le 19 décembre ou 20 décembre et le chèque n'est toujours pas arrivé. Ne mettons pas d'huile sur le feu, ça va bien se terminer tous. Il va les avoir, il aurait aimé que ça se termine mieux, évidemment. Il aurait pu être comme ça avec sa femme en train de faire... Oh, ah, qu'ils sont jolis les panneaux de Viotti. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, en les regardant. Aïe, qui sont jolis les panneaux de Viotti. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Ça va se finir comme ça, Patrice? Ben, j'espère. Ben oui, allez, il vaut mieux prendre ça avec le sourire. Tout va bien, ne mettons pas d'huile sur le feu. Dans quelques instants, je vous souhaite un joyeux Noël, Patrice. On se parle début janvier. JB vous rappelle pour vous demander si vous avez reçu le chèque, d'accord? Merci, Julien. Merci à vous. Allez, Bernard nous en dira plus, il continue de discuter. Dans une seconde. Sur RTL, et bien celle de CDE Christine, problème d'accent sur son nom de jeune fille, impossible de faire sa carte d'identité. À cause d'un accent. Quand certains attendent des chocolats ou des cravates pour Noël, elle attend ses papiers. Car elle a dit à l'administration, je n'ai rien fait de mal, vous avez juste oublié un accent, si je pouvais avoir un petit passeport. Samson et Mitchell sont sur RTL. Oh, quand j'entends chanter j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau Noël blanc. Moi, quand j'entends sonner au ciel, mon ciel, je vois tes yeux clairs, maman, maman, maman, et je songe à d'autres Noël blancs. La vie est pleine de chants joyeux, le bois craque dans le feu, la table est déjà garnie. J'attends l'heure où ils vont venir en écoutant tous mes souvenirs. Oh, quand j'entends chanter Noël, j'aime à revoir mes joies d'enfant. Le sapin scintillant. Et Eddie Mitchell, j'adore. Et Véronique Sanson, quelle belle chanson. Noël blanc. Mon plus beau cadeau, Maître Fellono, c'est d'être à vos côtés depuis maintenant presque 19 ans. Franchement. Je vous le dis, j'ai retrouvé des photos de notre première, puisque vous étiez là à la première. Eh bien, c'est une très belle photo. Nous allons... Nous nous retrouvons dans une seconde avec le cas numéro 2. C'est Christine, petit grain de sable dans les rouages de l'administration et tout est bloqué à cause d'un accent. Elle est sans papier. Et Bernard Sabat continue de discuter avec ce monsieur pour les panneaux photovoltaïques. La porte est ouverte, je le vois passer de droite à gauche. Ils discutent, on va en savoir plus dans une seconde.